18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 21 juillet. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant qu'hier dans la section entrevue de danradiosport.com, on est revenu sur l'article du président Raymond Lavoie dans le Nouvel Hebdo cette semaine qui mentionnait que le club de golf, on voulait freiner la décroissance du club de golf. Raymond Lavoie sur les ondes de danradiosport.com est revenu sur cette entrevue qu'il a donnée dans le Nouvel Hebdo et il mentionne évidemment que c'est quand même très difficile cette année. On a perdu quand même plusieurs membres du côté du club de golf de Dolbeau, Mistassini. On a vu dans le Nouvel Hebdo, avec 158 membres, c'est 16 de moins que l'année passée. Ça fait que c'est sûr que c'est beaucoup de sous de moins dans les coffres. On essaye tant bien que mal de recruter des nouveaux membres. On en a recruté cette année, mais on en perd toujours. Ça fait que ça équivaut la perte. Les nouveaux membres n'équivalent pas à la perte qu'on a subie. Ça fait que on est encore en dessous de. Le club de golf également enregistre un retard concernant les parties journalières. Une baisse là-dessus aussi. La température ne nous a pas aidé de ce côté-là non plus. Ça fait que. C'est sûr qu'on est un petit peu à la baisse, point de vue green fee, comme on appelle, mais on espère avoir une belle fin de juillet, beau mois d'août. Une baisse là-dessus aussi, la température ne nous a pas aidé de ce côté-là non plus. Ça fait que c'est sûr qu'on est un petit peu à la baisse, point de vue green fee, comme on appelle, mais on espère avoir une belle fin de juillet, beau mois d'août. Parlons maintenant de soccer avec des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer. D'abord, dans le U12 masculin, gain de Robertval United 6-4 sur le Chinook de Chicoutimi et dans le U12 masculin, gain de Robertval United 3-0 sur le FC de Saint-Félicien. Il y avait de la course à pied qui se déroulait en fin de semaine, c'est le 30e tour de la Brec et à noter que du côté du 5 km masculin, Claude Gilbert du Club du Mille qui fait toujours bien sur le secteur a réussi un temps de 16 minutes et 47 secondes. Au 5 km féminin, Marie-Claude Brassard du Club du Mille a terminé en deuxième place avec un temps de 18 minutes 46 secondes. Au 3 km, Josiane Dubois du Club du Mille a réussi un temps de 14 minutes et 16 secondes. Et à noter également que du côté du 1 km de Sacan du Chêneau de Dolbeau-Mistassini a réussi un temps de 3 minutes 30 secondes. Parlons maintenant du côté de la Ligue de Ballande de Robert Vallière. Trois matchs étaient au programme. Victoire du Mégavac contre le Saint-Hubert Express 17-14. Guermain a défait Intersport 15-5. Et le dernier match qui était prévu a été annulé en raison de la pluie. Parlons maintenant de Samuel Girard, le défenseur des Prédateurs de Nashville, qui est natif de Robertval, aura son tournoi de hockey de rue intergénérationnel qui aura lieu le 1er et 2 septembre à Saint-Bruno. Le défenseur, comme je l'ai mentionné, des Cataractes de Shawinigan a accepté de prêter son nom à cette nouvelle compétition. Donc, il est possible de s'inscrire pour le tournoi en allant sur la page Facebook de la municipalité ou appelant également à la municipalité. Les équipes de 6 joueurs devront avoir obligatoirement 2 trios de joueurs de 8 à 12 ans, 12 à 17 ans également et 18 ans et plus. Le prix d'inscription, c'est un prix très très populaire, il est de 25$. Idéalement, on aimerait que les équipes soient les membres de chaque famille ou encore des amis proches. Et Gino Gagnon a été nommé le nouvel entraîneur-chef de la nouvelle équipe de Jonquière dans la nouvelle Ligue senior qui va avoir le jour à l'automne. Gino Gagnon possède quand même une belle expérience du monde du hockey puisqu'il a déjà dirigé dans la structure intégrée des élites. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Plusieurs entrevues hier. On a parlé d'abord avec le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Larouche. On a également parlé avec le président du club de golf de Beaumont-Mistassini, Raymond Lavoie. Le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lallemand. On a également parlé avec cette nouvelle qui est une nouvelle majeure dans le monde des communications. Un nouveau système de streaming va avoir le jour au Canada. C'est la compagnie DAZ, une compagnie allemande qui est basée à Londres, qui vient de qui a lancé hier un communiqué de presse pour mentionnant qu'ils vont tenter une percée au Canada, et ça aura des répercussions majeures sur le monde du sport et possiblement sur l'industrie du câble. On en a parlé avec Jean Gosselin plutôt, une entrevue fort intéressante que je vous invite à écouter dans la section entrevue de danradiosport.com. Et également Justine Girard va venir nous parler de la semaine de l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.